violence humaine et corruption sont les visions de ce monde nouveau. Se penser misère, se nourrir de notre ère, perversion sexuelle et décadence sociale. Aujourd'hui plus personne n'est normal. Quand il fait de la morale, la dégénérescence est devenue banale. Tout ça tout à fait normal. Restez moral, ça fait devenir marginal. Restez moral, ça fait devenir marginal. Ça fait devenir marginal. Pour une poignée de billets, ils vendraient leur mère pour un peu d'argent. Sabotent un système définitivement enjivé. Nous vivons entourés de vendus. Ne pas se faire acheter, et là notre pureté. Quand il fait de la morale, la dégénérescence est devenue banale. Tout de suite ça tout à fait normal. Restez moral, te fait devenir marginal. Restez moral, te fait devenir marginal. Te fait devenir marginal. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption. Dégénérescence et corruption.